comment elle est jolie. Comment elle est, comment elle est très belle. Comment elle est, comment elle est mignonne. Comment elle est, comment elle est sensuelle. Accélération du turboréacteur. Vitesse maximale. Décollage imminent. Ok. Comment elle est, comment elle est, comment elle est, comment elle est, sexy.